1, 2, 3, 4. Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a vraiment rien du tout préparé parce que c'est le dernier épisode. Bienvenue dans le podcast d'improvisation. Si vous ne nous avez pas suivis avant, peut-être un peu, mais je vais vous expliquer. Je m'appelle Lise Brassel, je serai présentatrice chaotique du jour et j'ai avec moi deux improvisatrices, Manu et Lebert. Bonjour tout le monde. Hicham El Amouri, qui est à la musique. Et nous allons faire, a priori, trois improvisations pendant 30 minutes. Ah ouais, c'est ça qu'on va faire. A priori. Je sais pas. Ça, c'était le format de base. Mais maintenant, aujourd'hui, vu que c'est le dernier épisode, on s'est dit, on va vraiment rien préparer. Genre, ça va être de l'impro, dans l'impro, de l'impro, de l'impro, de l'impro. Et je cite notre document de programmation qui a écrit « Impro, YOLO, on sait pas ». Voilà. En tout cas, ce sera 30 minutes de fun. On l'espère d'un peu de clarté. Oh là là, ça me paraissait débile avant d'y être. Et maintenant que j'y suis, ça me paraît encore plus débile. Oh là là, c'est vraiment une idée de merde. Oui, on ne sait rien. Voilà. Parce qu'il est bien connu que dans l'impro, c'est le cadre qui fait la qualité du contenu, d'habitude. Mais là, du coup, le cadre lui-même étant inexistant, c'est... voilà. Mais je propose un mini-cadre. Ah, oh, je propose un mini-cadre. Tout le monde lève la main. On lève tous la main, déjà, pour commencer. Mais d'habitude, on a la question saugrenue du jour avec oui, moi. Mais vrai. On éclate tout, là, aujourd'hui. Oh là là là. Du coup, on peut te poser des questions saugrenues. Allez, let's go, j'avais une autre idée, mais let's go. Pose-moi des questions saugrenues, ce sera l'introduction de cet épisode. Vas-y, ah là là. Manu. Je propose que c'est la personne qui pose la question qui répond en première pour donner la vibe. Ok. Ok. Oh là là. Je dois réfléchir aussi à une question saugrenue. Ah, vous n'avez pas l'habitude, hein, vous. Hein. Non, mais, toi, tu l'es... Combien de temps à l'avance elles te viennent les... Une minute. Si vous pouviez être... une sorte de plante aromatique. Laquelle vous seriez et pourquoi? Oh, waouh. Et donc du coup, bah, comme t'as proposé Hicham, je vais y répondre en premier. Moi, si j'étais une plante aromatique... est-ce qu'on peut répondre pour les autres? Ah oui, ah, oui. J'ai envie de troller, donc je vais faire Manu. Manu, c'est du laurier. Ça parfume tout, mais faut pas le mettre en bouche. C'est un roast. Wow, oui, c'est ça. Je veux préciser, ce n'est pas basé sur la réalité, c'est juste basé pour dire des saloperies. Non, c'est très intéressant. Ise, je pense que tu es de la menthe. Oui, pourquoi? Parce que à la ça fois... sent super bon, mais quand on le met en bouche, ça goûte rien. Laisse-la répondre. Parce que on peut, tu vois, c'est multi-usage quoi. On peut faire du thé, oui. On peut le mettre dans des plats un peu chouette. On peut se le masser sur les tempes et du coup, c'est un peu bénéfique et apaisant. En même temps, ça peut donner un goût piquant aux choses. Et puis ça pousse partout. Et ça décore. Ouais. Tu vois, si tu le laisses trop aller dans tous les sens, ça devient une saloperie dont tu sais plus te débarrasser. Mais en même temps, on l'adore. Parce que le laurier, hein, sans ça, il y a des plats, ils sont pas les mêmes sans le laurier, ça ne mais fonctionne pas. Mais justement, pour toi, alors c'est beaucoup moins rose que pour vous, donc ne vous attendez pas à un truc méga badass. Mais je vois que t'es du thym. Parce que... Je pense à du thym pour moi. Mais oui, parce que déjà, ça te ressemble, il y a plein de picots comme ça. Pas un rose, donc. Et ça va bien dans des bolognaises, ça va bien dans des trucs salés. Par contre, dans du miel, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que ça implique sur ma personnalité? Donc, parfois, il mais non, mais un miel, il y a des gens qui font ça. C'est trop bon, les infusions. Non, thym, c'est un médicament, quoi. En tout cas, tu ne me soignes pas. Ah, c'est... Je sens de la pire chose qui a été dit. Oh, wow. Je suis... En tout cas, tu ne seras pas un roast. En tout cas, tu ne me soignes pas. Ise, il y a une minute. Non, Là où je voulais en venir, c'est que tin, il y a le son qui est marrant aussi. Vu que tu es musicien, ça fait tin, tin, tin, tin, tin. Voilà, ça m'inspire. Ouais, ouais, ouais. Ok, mais tout ce que je veux. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Mais je retiens. Je retiens tout de même. Hein, je ne te soigne pas. Waouh. Très bien. Moi, je suis très content. C'est une présence de cette, toxique, enfin, en tout cas, peu non, bénéfique dans ta vie. Waouh. Justement, parfois, c'est un médicament. Voilà. Merci. Est-ce qu'on passe à des impros ou est-ce que vous voulez aussi poser des questions sur les... Moi, j'ai l'impression que ça, bien, ça a mis la barre au bon endroit. Ouais, très bien. Ça a mis la barre, en enfer. C'est là où il fallait. La barre en enfer. Des improvisations. Moi, j'ai pas d'idée de question à la con, quoi. Mais attends, moi, j'ai une question, mais elle est pas tellement à la con. Ah, donc on passe pas aux impros, décidément. Je sais pas, j'en sais rien, mais je vais faire une transition progressive vers peut-être. Vers l'impro, d'accord. Si vous, il y a une improvisation qu'on a fait pendant tout le run dont on a rien préparé qui vous a marqué. Le best of. Non, on va pas faire passer l'impro, mais juste reparler de cette impro et vos souvenirs et les trucs. Je sais. Ah ouais. Wow. C'est la KPDP avec Bertrand Den. Ah. Parce qu'on était tous dedans et ça avançait vite et bien et c'était clair et c'était exactement mon fantasme. Et c'était une KPDP. KPDP. Ouais, c'était super. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je me souviens, alors je ne sais plus exactement quel était le sujet, mais je me souviens d'une impro qui d'ailleurs n'a pas été diffusée parce qu'on l'avait enregistrée, qui était dans une espèce de bad où je me demande si les persos parlaient pas genre de suicider ou un truc comme ça. Enfin, il y a un moment où c'est tombé dans un truc over darkos et on a fait cette impro et puis on a terminé, on s'est regardé, on était là. On va la réenregistrer. Hein. Quoi, tu te rappelles de qu'est-ce que c'était comme genre? Je crois que c'était la saison passée. Il y avait qui dedans? C'était nous? Je me demande si c'était pas Hicham et moi. On n'était pas nous deux. C'est possible. Si je suis pas là, souvent c'est Darkos. Hein. Elle, après avoir fait une tragédie grecque au premier degré, ouais, deux semaines, quoi. C'est vrai. Mais ouais, je me souviens plus le sujet, mais je me souviens d'un truc où vraiment c'est un peu tombé comme ça, genre. On n'arrivait pas à sortir du sombre, quoi. Ouais. Ça dit quelque chose. Ouais, ouais. Et on est. Oh, et on a terminé, on était là. Oh, waouh. Wow. C'est pas la bonne. Et en même temps, il y avait un truc un peu, genre vraiment profond, vraiment deep dans cette impression. On était là. C'est vraiment pas le format de l'émission, on va la réenregistrer. Donc voilà. Bah sinon, en positif, il y en a eu beaucoup, beaucoup, mais celle-là, ça m'avait marqué. Ouais. Ouais, moi, j'ai du mal à me fixer sur une impro parce qu'en fait, il y a plein de. En fait, moi, c'est plutôt l'agrégat de tous les foirages et toutes les réussites et tous les trucs qui. C'est les deux en même temps qui ont pu être faits. Genre, enfin, moi, je me rappelle de cette impro IA. Qui tu as voulu tester, c'était genre ok, ça ne donne rien. Bon, c'est moi on a qui essayé en plus. Oui, c'était vraiment infernal. Ils ont très bien joué avec, mais on ne le refera plus jamais. Il y a aussi les trucs JDR ou cette espèce de truc où on se fait, quand on commence à devoir les refaire, on fait oh non, qu'est-ce qu'on va faire, il y a trop d'infos, il y a plein de bordel. Ou enfin, nos deux campagnes, en vrai, je trouve que les campagnes JDR c'était rigolo parce qu'on a eu deux trucs qui ont pris des têtes complètement différentes. Oui, les moutons, les moutons c'était complètement débile. Ah oui, quoi. C'est vrai que ça termine absurde. Et ça avait commencé avec cet impro où il faisait du skate et juste il tuait un policier. C'est apparemment monsieur, avec monsieur skate. Et Sibyl, monsieur, et monsieur, monsieur. Oui. Et ça commençait juste avec cette espèce de prémisse à la con que c'était, enfin, et que ça avait pris des proportions totalement absurdes. Mais ça, c'était rigolo. Là où l'autre, c'était vraiment plus JDR en frontal, quoi. Ouais, c'est vrai que cet aspect presque feuilletonnant, enfin, tu vois, de continu. Mais et en même temps, j'ai jamais écouté ces impros bout à bout. Ça se trouve, ça n'a vraiment aucun sens, quoi. Je sais pas. À mon avis, tu dois sentir qu'il y a un mois et demi entre chaque truc. Ah, hors série d'été, peut-être. Mais je crois qu'on avait déjà fait ça. On avait la fois dernière les hors séries Sibyl et Monsieur. Tout à fait, ouais. Qu'on avait diffusé en deux ou trois semaines, qui avait quand même été un peu écouté. Hein. Il y avait eu des écoutes sur ces trucs. Ouais. Donc il y a des gens qui sont allés réécouter. Les gens sont bizarres. Quoi. Merci les gens, c'est ça qu'ils veulent dire. Les amis, j'ai une inspiration pour une impro. Oh ah. Alors. On enregistre souvent chez Manu. Enfin, c'est pas toujours. Oh, ces derniers temps. Ça se partage. Ouais. Mais Manu a une bouteille et dessus il écrit Jean Bouteille. Et c'est souvent devant moi parce que c'est moi la plus grande consommatrice d'eau. J'aimerais savoir c'est quoi la jeunesse de Jean Bouteille et le quotidien de Jean Bouteille. Jean Bouteille, la bouteille. C'est vraiment une idée de merde, j'adore. Je veux une journée typique de Jean Bouteille. Très attention, bien. C'est parti. J'ai une idée d'impro après, c'est bon. C'est bon, on est parti là. On est, we're on a roll. Let's go, Jean-Bouteille. Une journée de Jean-Bouteille, c'est parti. Jean, qu'est-ce que tu fais? Jean, dépose cette bouteille tout de suite. Clonk. Jean. J'y arrive pas. Mais non, tu n'y as Jean, entre humains. Tu n'es et pas. Alors, je peux être un contenant comme n'importe quel autre ustensile et comme n'importe quelle autre bouteille. Je pourrais être un flacon, un réceptacle, une gourde. Juste. Jean, tu es une personne formidable et tu peux être un réceptacle, mais pas un réceptacle de liquide. J'ai encore été convoqué par ta directrice parce que tu crachais sur les autres élèves. Oui, ça ne va pas, Jean. À ce moment-là, j'étais un sprouch, un nébuliseur. Eh bien, mais clairement, ça marche pas. J'ai pas le degré de pression nécessaire pour. Jean, je pensais qu'on attendrait ton 18e anniversaire, mais suis-moi. Je suis outré par ce qui se passe. Tu vois le cactus de l'armoire juste là. Je veux que tu le presses très fort. Quoi? Fais-moi confiance, Jean. Le Oui, le cactus qui est à côté de la photo de ta grand-mère. Aïe. Rentre dans la cave, Jean. Tu vois, Jean, dans la famille Bouteille, nous avons une mission. Et ta grand-mère m'avait dit que tu étais particulier et que tu avais des compétences que nous cherchions depuis longtemps, que nous croyions perdues. Tu vois. Bouteille. Rentre dans la piscine, Jean. Pouf. Immerge-toi entièrement. Et quoi que ce soit que tu trouves au fond, continue de nager, Jean. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quoi que ce soit que tu trouves au fond, continue de nager et attends que j'ai fini de parler avant de plonger. Tu y trouveras peut-être la mort, peut-être le ver et peut-être que toi-même tu deviendras ver, mais c'est pour un but plus important. Jean Bouteille. Oui? Plonge et va au-devant de ton destin. Bouteille. C'est comme ça qu'il s'est transformé en bouteille, Jean. Oui. Jean. Tout ce destin. Oh. Mais c'est horrible. Elle est en train de bercer une bouteille. À la fois, c'est ce qu'il voulait. Et à la bah fois, oui. C'est. Il est sans un doute très obligé. Content. C'est un peu de la manipulation familiale. J'ai l'impression d'avoir manqué des opportunités de faire de citer tous les récipients possibles et imaginables. Oui, j'ai failli te faire un date avec une tasse, mais visiblement il y avait une histoire sympa. Putain, j'aurais adoré ça. Mais il y a l'histoire. Que penses-tu des bouilloires? C'est clair. Bon, et si on refaisait cette impro? Non. Mais Jean Bouteille. Non. Par contre, j'ai une impro. Allez, attends, c'est Jean Bouteille qui a un date avec Samantha. Il faut accepter. Avec quoi, Samantha? Samantha. Oh, putain. Oh là là. Bon, d'accord. Lance ton idée. Oui, j'ai une idée. Alors, vous connaissez l'improvisation personnage secondaire. Ah oui. Et je vais nous rouler tous et toutes dans une private joke, tel un chien dans son caca. Oh là là. Une massive private joke. Et nous allons faire une impro secondaire où vous allez être Fitz. Putain. Donc, le premier chat de Manu, taciturne et méfiante, mais très belle, mais au et cœur d'or. Lady Patoon, chaotique et incarnation de l'innocence même, voire de la bêtise, point d'interrogation. My God. Très bien. Je ne connais pas si bien ces chats que ça, mais Manu et Ize, tu les connais, non? Très peu aussi. Je suis bon juge de caractère. Je leur ai fait leur totem animal. Prendre une photo de Lady Patoon à côté de c'est toi. C'est déjà fait. je suis Lady Patoon. Tu es Lady Patoon. Et je suis... Eh bien, c'est parti. Peut-être un mot ou non même. Ah, si tu veux, d'accord. Je vais vous trouver le mot le plus pourri possible. Sois-en. Zut. Désolé, Iso. Désolé d'avoir demandé. Excusez aux auditeurs. Mi piace. C'était quoi, auditrice, c'est ça le nouveau mot? Auditrice, ah oui. Et le mot sera flamboyant. C'est le plus nul que j'ai. Bon, j'avais Sofa, mais j'ai fait genre non, ça c'est trop bien. Enfin, flamboyant. Okay, c'est parti, maintenant! Mais qu'est-ce que tu fais? Patoon, qu'est-ce que tu manges? Tu me regardais? Tu manges... C'est quoi cette plante que tu bouffes? C'est pas du tout le nouveau crochet de Valentine, je vois pas de quoi tu parles. C'est pas du tout le nouveau crochet de... Non, lui dis pas. Ils nous donneront pas de satisfaction. Ça dépend s'il pense que c'est toi. Quoi? Non, non. Non, tu l'as réduit en bouillie, mais... Qui est-ce qui vous croit, à ton avis? La Fitz, la malicieuse, ou la pauvre petite Patoon innocente? J'ai pas du tout nos statuts sociaux. Moi, je suis l'ancienne sage qui trône depuis ma tour. Et toi, t'es celle qui fait n'importe quoi. Oui, mais avec mes grands yeux. Patoon, Fitz, ça va? Alors, bon, allez, Patoon, Lady Patoon, Lady. Allez, bon, non, pas le cul dans le visage. Non, allez, hop, allez, facile. Écoute. Salut. Ah, bah, Fitz. Fitz, ça va. Oui, pardon. Ok, pardon, j'aurais pas dû faire ça. Okay, excusez-moi. Elle me touche toujours trop fort. Oh là là. Oh non, mais où sont mes escarpins? Manu, miaou. Non, c'est pas le moment. Alors, je suis occupé. Non, c'est... Manu, miaou, regarde, miaou. Regarde, miaou. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que. Il se couche dessus. Oui, bon. Lady Patoon, c'est Fitz. Tu connais Fitz. Allez, Fitz, hein. Ah, Fitz et Nini. Ah, ouais. Ok, d'accord. Ah, okay. Tu te crois plus maligne que moi? Ramper sur le côté pour évacuer ça sous les chaussures. Fitz ça... Oh non, mais... Fitz, ça va? Fitz, tu as perdu l'usage de tes pattes? Non. Arrière? Oh non, elle est malade. Oh, vite. Allô, mon amour. Regarde ce que tu as fait. Fitz est à la mort. Elle est à l'agonie. Vite, je vais lui faire du bouche à chat. Beaucoup trop d'attention, je vais attaquer les fesses de Manu. Lady Patoon, ce n'est pas le moment. Allez, Fitz, où est passé Fitz? Non. Oh non, elle se cacher dans un coin pour mourir comme le font tous les chats. Oh non, Valentine. Allô, oui. Les Fitz est décédé. Lady Patoon a la rage. Qu'est-ce que je vais faire? C'était trop scénario bien plausible. Joué. Scénario plausible, je trouve. Scénario plausible. Ouais. J'ai hâte que Valentine écoute cette improvisation. Vraiment. Vraiment. Oui, c'était de la private joke. J'espère que les auditrices sont satisfaites. Heureux de ça. De cet épisode du n'importe quoi. Eh bien. Tu as une idée, Manu? Tu as une idée d'un n'importe quoi? Moi, j'ai une idée d'un. Tu veux faire une autre question saugrenue? Non. Mais je me suis dit, comme. Oh, on aime beaucoup faire des chansons. Oh oui, oui. Terminons par une chanson. Oui, c'est une bonne idée, t'avoue. Et du coup. À la gloire d'On n'a rien préparé. Une chanson sur les adieux, On n'a rien préparé. Mais pour les plats dans le plat. Oh my god. Une chanson de revoir. Au revoir, farewell. Une chanson de revoir. Au revoir, c'est goodbye. C'était la mélodie du bonheur. Oui. Mmh. J'avais la rêve. Chanson des collines. Eh bien, écoutez, vous allez commencer. Vous allez commencer une chanson. Peut-être qu'à un moment, il y aura une autre instrumentale qui va se lancer. Ou des surprises comme ça. Oh oui, des surprises. Mais effectivement, voilà, vous allez nous chanter, puisque c'est là, à part, il y aura évidemment ce live, mais à part ce live, c'est la dernière improvisation dont on n'a rien préparé. Si je fais ça, du coup, le son passe. Ça dépend de où tu envoies le son de ton ordi pour voir les devices de ton ordinateur. Les devices. Tu vois le petit son, tu peux choisir où tu l'envoies. Ah voilà, voilà. Ouais, en plat. Ah, c'est bien. Spoiler. Non, parce que ce n'est pas celle-là que je vais vous. Oh, bim bam boum. Twist. Allez, c'est une balade d'au revoir à on n'a rien préparé. Attention, c'est parti. Hicham se lève. Hicham. Quand tu as commencé, nous te connaissions pas. Maintenant tu es terminé, nous ignorons tout de toi. On n'a rien préparé, surtout pas de te quitter. On n'a rien préparé, surtout pas de te quitter. Et toutes ces années, toutes ces semaines, tu as donner tant de joie. Je suis pas du tout dans le rythme. Est-ce qu'on peut mettre la musique plus fort? On n'a rien préparé, surtout pas de te quitter. Surtout pas de te quitter. Oui, ici, Manu fait la DJ là. La vibe, la vibe. DJ Manu. DJ Manu. DJ Manu. DJ Manu. Pour vous ambiancer, on n'a rien préparé pendant 5 ans. On a regardé, on a fait des improchants, mais vous étiez arrivés en se disant mais qu'est-ce que c'est. Et puis vous êtes restés, vous avez continué de nous écouter. On vous a ambiancé, on vous a mis bien dans des moments où ça allait pas. On était là. Utip. Pas tipi. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que vous allez aller? Bon, soyons honnêtes, si vous avez un coup de blues, vous pouvez aller ailleurs. Il y a plein de podcasts qui sont chouettes, qui pourront vous ambiancer. Puis vous pourrez venir nous voir, venir nous applaudir, nous dire au revoir. Il y a un live bientôt, profitez-en. Parce qu'après, il y en aura plus, peut-être dans 10 ans. Revival, on n'a rien préparé, peut-être dans 10 ans. On se retrouve, ou pas. On n'a rien préparé. Surtout pas de se quitter. On n'a rien préparé. Salut, c'est Hicham du futur. J'aimerais bien avoir un mot à dire. Y'a pas d'embrouille, je suis là, il faut bien se l'avouer. J'ai dû monter, corriger, retoucher, remixer, remarcher, remasteriser. Toutes les erreurs n'ont pas été retenues. Wow, c'est Ise du présent. Je sais pas faire des bruitages, mais je prends le temps. Nick, clac. Nick, clic, clac, aou. Et moi c'est Manu. Prends pas fort la parole, parfois je me prends mes bambes, bah je me prends les pieds dans le tapis. Parfois j'ai un peu l'air d'un cul, un peu l'air d'un cul. C'est Iso qui fait les seuls coups de cœur décents. Moi je sais choisir mes mots. De barbe à papa. Non. Il se prend les pieds dans le tapis. Les pieds dans le tapis. On n'a rien préparé. Surtout pas de se quitter. On n'a rien préparé. Surtout pas de se Merci. Pouette, pouette, pouette. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. On ne peut pas toujours gagner. Ah, misère, ah, misère. Ouais, on ne peut jamais perdre. C'est vrai. Soit on gagne, soit on apprend quelque chose. Soit on meurt. Oui, maman. Oh, Nodash. Oh, Nodash. Yeah. Ah, là, là, là, là, là, là. Ce medley, incroyable. Incroyable. Medley, ce medley. Incroyable medley. Qui n'avait pas été préparé. Mais de les beaux souvenirs, c'est que ce qu'on en a. Et justement. Mets les pieds dans tes chaussures. Mais en tout cas, je pense qu'il est temps de mettre nos chaussures de départ et de tout doucement faire nos adieux parce que ce sont les dernières minutes de ce dernier épisode de podcast d'improvisation bruxellois. Je propose que chacun ait deux petites minutes à son micro pour être un peu premier degré. Parce que bon, on dit des conneries, mais on pense des trucs premier degré. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut commencer pour un petit moment d'adieu? Oui, ça... moi, alors je le dis régulièrement, mais c'est quand même fou. C'est un truc qu'on a commencé sur un coup de tête parce que Hicham m'avait dit... Ouais, moi, je trouve que ce serait cool d'essayer de faire de l'impro, mais juste sonore et tout. Et puis, ça a été le confinement. Et puis, du coup, on s'est contacté avec Hicham, puis on t'a proposé à toi, Iso. Puis, on a créé ça où, à la base, je me souviens que moi, j'enregistrais les épisodes dans la chambre que j'occupais dans la famille de Valentine où j'ai passé le confinement et où je devais pas parler trop fort pour pas déranger la famille de Valentine qui vivait là. Et puis, bah. Maintenant, on en est ici. On a quand même fait 5 saisons. On a quand même accompli plein de trucs et tout. Puis on a appris plein de choses. On a eu plein d'invités. On a vécu plein de trucs. C'est assez dingue. C'est assez dingue. Et moi, je suis toujours partisane. Moi, je j'aime pas que les choses durent trop longtemps. Et du coup, alors peut-être que parfois, il m'est arrivé dans des projets de débrancher d'abattre des sommairement certains projets dans une balle. Voilà, c'est ça. mais parce que moi. Ce que je trouve vraiment pas chouette, c'est les choses qui continuent. On se dit, en fait, on sait pas trop pourquoi on continue, mais on continue et on n'y trouve plus vraiment son compte et tout. Et donc, là, je me disais, tiens, je sens que ça commence à ronronner un peu, on n'a rien préparé. Et si on arrêtait là, et puis c'est l'occasion de créer du temps et de l'espace pour d'autres projets, pour d'autres choses. Et puis, moi, par exemple, l'expérience que j'ai accumulée là, ça m'a permis de lancer mon podcast sur le drag que j'aurais jamais fait si j'avais pas eu l'expérience, on n'a rien préparé. Ce qui m'ouvre encore d'autres portes. Et puis, enfin voilà, c'est la vie, c'est un mouvement. Voilà. Merci Manu. Un mouvement. La vie est un mouvement. Waouh. Quelle sagesse. Est-ce que tu veux prendre la parole, Hicham? Allez, j'accepte. Faites-moi des petits signes quand. Si je regarde. Tu regardes. moi, je suis très fier de ce que ça a pu être et. Pour faire des trucs plus nuancés, moi je suis un peu genre, j'ai l'impression qu'on n'a pas dans une certaine mesure hein, que c'est dire putain, on a fait un truc dingue et je suis pas sûr que tant de gens que ça, notamment dans le milieu de l'impro, sachent ça. et que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui ait fait des trucs adjacents à ça. Et que, bon, je trouve qu'on a fait un truc unique. Il y a eu plein de trucs ouf et on a vraiment développé des talents, des qualités d'improvisateurisme qu'il n'y a pas forcément l'occasion de faire ailleurs et qu'on a... On s'est peut-être pas donné les moyens de faire le truc le plus... qui a le plus de succès, donc, notamment organisationnellement, parce qu'on a été des... intersidéralement mal organisé, mais tout autant qu'on est, attention. Hein. Mais je trouve que artistiquement, il y a quand même des trucs de dingue qui sont sortis de ça, qu'on a fait des, il y a certaines impros qui sont, que je trouve objectivement ouf, quoi. Objectivement ouf, et que je dis genre putain, il y a personne qui fait des tragédies. J'ai jamais vu des tragédies grecques sur scène aussi bien faites, des trucs comme ça, parce que c'est souvent le merdier ou des trucs, enfin. Et on a l'avantage d'être à trois, d'avoir un environnement qui est très contrôlé. Mais ouais, il y a plein de trucs qui ont super bien marché. Et je trouve qu'on a pu utiliser des choses qu'on ne s'autorise pas forcément à jouer utiliser en spectacle d'habitude, notamment utiliser des éléments de culture générale, de culture cinématographique, culturelle, qu'on a pu mobiliser pour faire des trucs riches et référencés, mais originaux quand même. Mmh. Et voilà, moi je suis très fier de ça. Je suis très fier d'avoir pu bosser avec ces personnes. On se connaissait depuis des plombes et je suis trop, trop chouette de pouvoir faire de l'impro avec Manu au demeurant parce que, et hors Onarp et d'autres trucs, il y a eu des moments incroyables qu'on a pu partager. Je pense que Onarp a rendu ça possible aussi. Et Iseu, que j'ai rencontré grâce à ça. Hein oui. Hein, c'est vrai que vous êtes rencontrés par Onarp. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis super reconnaissant de ça. Mais aussi un peu reconnaissant que ça de plus avoir la charge du montage toutes les semaines, de faire et de devoir dire ah merde, il faut que je monte, je suis très reconnaissant, je pars sans frustration mais non plus sans déception, je suis pas catastrophiquement triste, ça s'arrête parce que ça a quand même été fait, voilà. Et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés quand même. On avait des écoutes, qui est mieux que rien du tout. Eh bien, c'est mon tour. je pense qu'on s'est assez étalé sur le fait qu'on arrête, on n'a rien préparé pour aller vers d'autres choses et qu'on est triste de quitter, mais que c'est pour aller vers un monde meilleur artistique. Mais je vais me concentrer pour terminer sur ce quoi je suis reconnaissante. Déjà, merci de m'avoir appelé. J'avais rien à voir avec ce projet à la base. Donc, merci beaucoup d'être venu me chercher. J'ai eu vraiment un fucking coup de chat de venir avec vous. je suis très reconnaissante de toute l'aventure que ça a engrangé. Si on regarde en arrière, quand même, nos tignasses ont changé. Vos lunettes ont changé. Gros changement. Les maisons où on habitait ont changé. Mon genre a changé. Ton genre a changé. Je sais même pas si je me disais ouvertement pan à l'époque. Je sais plus. En tout cas, c'est il y a fucking 5 ans. C'est il y a 5 ans. Il y a 4, quoi. C'était en 2020. Ouais, mais c'est ouf. Ouais. Ouais. C'est un truc de fou. Et là, maintenant, à l'heure où est diffusé cet épisode, j'aurais quitté mon appartement à Finodorgem, donc un des studios. Oui, c'est vrai. Un des studios dans lequel nous avons enregistré ne sera plus disponible. Putain, mais waouh, quelle personne va être Iseu si elle a pas sa part, je sais pas. J'en ai un autre, t'en fais pas, il est aussi sous les toits. Oui, non, mais même, tu vois, genre. t'es la chauve-souris, la chouette dans les combles. Et j'espère vraiment continuer à faire de l'impro avec vous, en dehors de la radio, évidemment, avec Manu, avec Hicham. Avec plaisir, je joue avec vous sur scène. Je penserai à vous si je peux vous inviter. Pensez à moi, vous me manquez déjà. Il y a une chose que j'ai pas... Pardon, finis d'abord. Ouais. Et surtout, vous allez me manquer aussi, les auditorices. Ça fait toujours plaisir de vous croiser dans la vraie vie, etc. N'hésitez pas, nous... On adore la fame. Ben, en fait, on ne vous remarque que quand vous vous signalez, donc n'hésitez pas à vous signaler parce que ça nous fait très très plaisir. Et quand vous l'avez fait, que vous avez eu le courage de venir, en fait, on est content d'avoir préparé, c'est super. Ça nous a fait grandir aussi et ça nous a donné en confiance et ça nous a permis de donner un autre type de qualité de contenu. Donc merci pour votre audace et votre présence. Bisous. Et moi, je voulais dire un truc, c'est aussi c'est une occasion de faire venir des gens avec qui on n'avait pas forcément joué ou avec qui on avait joué dans d'autres contextes. Oui, oui, tout à fait. Donc il y a eu des opportunités super chouettes qu'on a eues. On a eu Odile Cantero qui était... C'était de nulle part, quoi, parce que genre, dans nos cercles personnels, elle n'y est pas du tout. Et donc, on a juste eu du cul. Il y a eu des gens super chouettes qui sont venus. Il y a Marie-Paul Kums qui est venue, qui, au demeurant d'être une personne super dans la vie, pour avoir interagi avec elle en périartistique et en personnel. Bah, c'était une opportunité de dingue. Tous les invités. De jouer avec elle. Oui, oui. Et d'avoir pu... Ouais. Rejoindre plein de générations d'improvisateurs, ouais. Plein de cercles et d'avoir pu faire cette rencontre et parfois YOLO où il y a une personne qu'on n'a jamais vue qui rentre dans l'appart et on est genre ok, maintenant on doit faire des trucs avec elle. Et c'était si riche. C'était ultra riche, beaucoup. Ouais. Je pense qu'on peut conclure en se remerciant nous trois, en remerciant les auditeuristes, en remerciant les invités. Merci beaucoup, beaucoup. Et ceci est un message de Iso du futur à ajouter pour Hicham du futur. Au cas où on fait un live, nous faisons un live le 1er juillet. Venez nous écouter à lundi prochain. Les détails sont à préciser. On ne sait pas. Enfin, à l'heure où on enregistre, on ne sait pas du tout comment on va le faire. Est-ce qu'on va le faire? Donc voilà. Mais a priori, ça sera au moins sur les internets. Voilà. Hicham du futur, tu as du contenu si jamais ça se fait. Bisous. Allez, nous, on va se faire des câlins. Prenez bien soin de vous. Peut-être à la semaine prochaine pour le live de sortie. Et au revoir. Bachi, bachi.